la chronique. Attila Faravelli, ah, voilà. Jérémy Chevalier ou les deux? Hein? Quoi? Eh bien non, aujourd'hui c'est Jérémy Chevalier. Salut Jérémy. Ah, un petit micro pour Jérémy. Thank you. Merci. Alors, bonjour. Je vois que tu as. Oula. Tu es venu avec une table. Enfin, je sais pas ce que c'est, je vois pas de loin, mais il y a marqué spirale névrose dessus. Ça c'est le nom de mon projet. C'est pour... Pardon. Bah, vas-y. Tu sais mieux ce que tu as dans les mains que nous. J'ai l'impression que c'est un sampleur que tu as dans les mains. Ouais, c'est un sampleur. Ouais. Ok. C'est, ouais. Spirale névrose, c'est le nom de mon projet de un peu de poésie comme ça que je fais. Et donc, bon, je suis arrivé avec une bricole, hein, parce que, voilà, d'ailleurs, ça ne s'allume pas, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas très grave. Ah non, parce que je crois que cette prise ne marche pas. Ah d'accord, ok. Ah ouais, tiens. Donc, on débranche et on rebranche, et la suspense, est-ce que ça s'allume? Oui, sampleur à 1 500 €, il s'allume, heureusement. Et là, Jérémy est rassuré. Il n'est pas à 1 500 €, je vous rassure. Je ne vais pas donner son prix, mais c'est quand même moins cher. Alors, du coup, parce que ça fait un moment que j'ai ce truc de me dire d'essayer de refaire du field recording à la bouche, à la voix, par imitation, et de faire une espèce de chorale de field recording un peu... Voilà, et je ne savais pas trop comment le faire, et du coup je me suis dit, bon, en fait, je vais commencer à demander aux gens de m'imiter des bruits de parquet. J'en ai demandé pas mal dans le festival, et puis je me suis retrouvé avec toutes ces imitations de bruits de parquet, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, en fait? Voilà. Du coup, j'ai commencé un peu à m'amuser avec, donc je les ai pris, je les ai découpés hier soir, ça m'a pris quand même un petit moment de faire vraiment des fichiers séparés pour pouvoir, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une compo, je vais peut-être les mettre dans ce sampleur, puis les déclencher de manière un peu aléatoire, comme si on marchait sur un parquet. Donc c'est à peu près ça le résultat. Voilà. C'est un parquet qui grince vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ça grince, il grince bien. Après, je vais peut-être jaloux des bruits de pas, tout ça. Mais en fait, je fais ça, ça m'a pris la nuit pour faire ce truc. voilà. On sent l'effort et le travail et la peine. C'était dur hier soir, j'étais vraiment très fatigué. Ce matin, j'ai essayé un peu de me reposer. Je crois que c'est le thème de cette matinée, c'est on est très fatigué de toute façon. C'est ça. mais donc, est-ce que peut-être c'est une piste pour aller plus loin? Enfin, tu as fait ce parquet, mais est-ce que justement il y a idée de continuer? Un plafond bientôt. Ouais, je peux faire toute la baraque. Les murs, les fenêtres. Non. En plus. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était hier, Attila nous montrait un de ses petits instruments pour faire vibrer le son des fenêtres. Et donc peut-être que vous pourriez faire un featuring entre tes grincements de parquet à la bouche et lui avec ce petit instrument. Ah, c'est fait. Les parquets à la bouche? Les parquets à la bouche, oui, c'est fait. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire réécouter Antoine le travail de toute une nuit? Voilà. Il y a de l'écho dessus. Ouais, j'ai rajouté un petit peu pour. C'est une salle qui résonne. Combien de sources de parquet? Ça peut être exhaustif comme le bruit du parquet universel ou pas forcément, tu as au moins de archipel. Alors en tout, j'ai demandé à, je crois, 37 personnes. Mais après, j'ai découpé des bouts, j'ai fait des petits samples. Puis des fois, les personnes se sont prises à plusieurs fois, plusieurs grincements différents. Donc finalement, je suis arrivé à plus de 300 samples. Là, je peux en charger que 127 à la fois. Donc là, on n'entend qu'un tiers, à peu près. Et comment est-ce qu'on fait une réverb avec la bouche? Ah, c'est vrai que c'est pas bête, ça. Ouais, je sais pas. Essayer de faire résonner. Il faut peut-être faire sonner ces sons de parquet dans la cavité de ta bouche, donc, et puis ça créera une espèce de nouvelle résonance. Il faut faire en sorte de grotte dans la bouche pour que le son il rebondisse sur un... sur tes molaires. L'autre à l'intérieur de la bouche. C'est une performance quand même. Ouais. Peut-être toi, Antoine, tu as un peu d'expérience là-dedans. Ah, certainement, oui. Oui, j'ai pas mal d'expérience. Ouais, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, vous entendez un peu. En général, je ne t'ai pas demandé parce que tu vas trop bien me faire le parquet, on ne comprendra pas que c'est. Ça va être le parquet même. C'est ça, exactement. Oui. Mais ce qui pardon. Non, j'allais dire une blague, mais c'est donc ça veut dire que dans les 300 samples de parquet, il n'y a pas Antoine. Mais non, mais j'ai fait ça. Ouais. Ben non, mais projet à part. Mais est-ce que ça a été réalisé avec ces micros de terre ou... Non, même pas, c'est un SM58. Ah. On est déçus. C'est vraiment genre la déception, ce projet. C'est vraiment la catastrophe. Voilà. Tu as atteint le plafond de terre, c'est ça. J'ai atteint le. Ouais. Non, mais je me disais, effectivement, pour faire une réverb avec une bouche, c'est peut-être mieux d'utiliser par exemple une bouche d'égout. Et je crois qu'on peut mettre le bruit du jingle. Exact, ouais. Des goûts et des couleurs. C'est ça, exact. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre. Ouais. Et il y a encore 2 minutes à tenir, super. Je vais écouter même un peu plus. On est désolé de t'avertir, mais je crois qu'il va y avoir 20 minutes de délai. 20 minutes. Ah, c'est le délai à la bouche. Ouais, exact. Voilà. Du coup, on s'est dit, Jérémy, de toute façon, il est motivé. Il a beaucoup de choses à nous parler. Tu peux peut-être improviser avec ton sampler, là, il a des possibilités, non? Un petit live. Quand même. Live au parquet. Alors en fait j'ai rajouté des bruits de trompette aussi, là je vous les ai coupés, mais alors, je peux vous faire écouter le bruit de parquet avec les bruits de trompette. En fait c'est ça l'idée, je vais vous faire écouter un truc. Mais c'est des trompettes buccales ou c'est des vraies trompettes? Ah, ça, c'est une vraie trompette que j'ai samplée. Ah ouais. Ah. Mais c'était pour essayer parce c'est que... C'est toi qui jouais de la trompette? Non. Non, même pas. En tout cas, ça me rappelle le travail de Sam où elle utilise du fil de record, elle met de la musique sur du fil de recording. On sent l'influence claire. C'est la matinée. C'est à s'y méprendre, j'irais même. Le travail de Sam Dunscombe, qui était là avant et qui fait un travail d'analyse du fil de recording où il ajoute des tonalités. Après avoir analysé le spectrogramme du fil de record, ouais. Et c'est un peu ce que tu as fait avec le parquet et les trompettes, j'imagine, non? J'ai utilisé l'aléatoire. Est-ce qu'on pourrait utiliser le parquet pour la thérapie psychédélique? Mais c'est ça que j'ai raté hier soir, c'est ce que je bossais là-dessus. Mais c'est de la healing music, non, quand même là. Hein? C'est de la healing music, non c'est... Ça oui. Ouais, je pense qu'on... c'est healing. En fait, je pensais, parce que vraiment, le coup des trompettes, c'est parce qu'en fait, j'avais écouté ça le premier soir, là. C'est ça que je vous fais écouter. C'était au salon d'écoute, c'était cette espèce de pièce très bizarre. Alors, il y avait ça, du coup, je l'ai enregistré. Rapproche-toi du micro, on t'entend pas. Non, toi. Ah, moi. Puis j'aimais bien cette espèce d'objet sonore un peu branque-ballant, où il y a aussi un peu un rapport, comme on dit. Tu peux juste redire ce que c'était? C'était Henning Christiansen. Voilà. Merci. Tu peux mettre le jingle de gagnant. C'est un peu le son mystère. T'as gagné. T'as gagné le deuxième son mystère, on vous dit. Bravo. Félicitations. T'as gagné une invite. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu pourras manger avec Jérémy à midi. Quoi? Et Rudy pourra manger avec toi aujourd'hui à midi. C'est ça le prix, à tête à tête. C'est un honneur. Ouais. Bah oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'aime bien ces trucs un peu aussi, le corps mécanique, c'est un truc que j'aime bien. Ce truc un peu de... Je n'ai pas du tout réussi. Je ferais du tout rester à expliquer ça. Non, j'aime bien ce truc que le corps, c'est finalement comme une machine, et puis des fois, il y a des pièces sonores ou des trucs comme ça qu'on peut travailler, et puis ça parle de ce truc, en fait, que, comme si le... Comme on dit... en fait, j'oublie le j'oublie ce mot... Le mot mystère. Le mot mystère, si vous le trouvez. C'est, je vous crois pouvez appeler au 078. Ça commence par quelle lettre? Mais en fait, c'est utilisé dans... je crois que le sauf erreur, le shintoïsme, c'est une religion comme ça. Qui parle du... comme si les objets étaient animés aussi. L'animisme. Ouais, je crois qu'il y a un truc un peu animiste. Ah voilà. De, comme si... j'ai mettre le jingle. Voilà. Du coup, ça va être en tête à tête à trois. Il y aura Antoine aussi qui va manger avec vous. Attends, j'ai pas compris. Donc le rincement de parquet à la bouche, c'est une forme d'animisme. À manger avec vous. Voilà. C'est comme si d'un seul coup le parquet était humain aussi. Tu peux le voir comme ça. Il y a un côté assez... C'est pas plutôt une forme d'anthropomorphisme alors? Ah, du parquet. Question intéressante. Attention, il faudrait voir le gagnant d'avant. Oui. Je ne sais pas s'il y aura assez de repas pour tout le monde. Ouais, donc l'animisme, ce serait un anthropomorphisme, c'est ça? Non, je dis que la démarche de Jérémy de jouer le parquet avec les bruits de bouche serait une forme d'anthropomorphisme. On peut aussi le voir comme ça, ouais. Ça, je pense que c'est le... C'est peut-être l'anthropomorphisme du parquet, comme si... Bah, c'est plutôt si on avait sculpté... Ouais, si, avec du son, ouais, ouais. Non, j'en sais rien. Non, mais c'est plutôt le devenir parquet de l'humanité, enfin, je sais. Se faire marcher dessus. Se faire marcher dessus. C'est la condition humaine. En voilà. Le devenir parquet ou se faire marcher dessus. Ouais. Ouais, c'est la loi du marché. Jingle. Antoine, il aura aussi le cocktail gratuit. Deux assiettes. Il nous reste encore 25 minutes. Non, il se trouve que finalement ils sont pas si en retard que ça. Je crois qu'ils nous ont entendus et il y a Marie qui a entendu la radio. Il a dit trouver une solution. Ils sont même en avance.